Madame Arnoux ne se rend pas au rendez-vous. Son fils est malade du croup et est à l'article de la mort. Lorsqu'il guérit, voyant cela comme un signe du ciel, elle décide de ne plus revoir Frédéric. Pendant ce temps, alors que les événements des 23 et 24 février 1848, qui allaient mettre fin au règne de Louis-Philippe, ont commencé, Frédéric, désespéré, se rend chez Rosanette, avec qui il fait l'amour. La révolution a donc commencé. Frédéric se rend aux Tuileries, où il rencontre parmi les émeutiers Hussonnet et Dussardier. En rentrant chez Rosanette, chez qui il vit à présent, Frédéric est dénigré par elle, qui ne semble pas pour la révolution. Mais, en partant de chez Rosanette, il rencontre Arnoux venu la voir. Il comprend que ce dernier est toujours dans le cœur de la maréchale. Rongé par le doute et la jalousie, il demande à Rosanette de l'accompagner dans un voyage à Fontainebleau. Ils partent début juin, peu de temps avant les journées sanglantes de juin 1848. Dans un cadre idyllique, elle lui raconte son enfance malheureuse. Mais Frédéric s'aperçoit de ses défauts. Il profite de la nouvelle de la blessure de Dussardier aux journées de juin pour entrer à Paris. Après un voyage difficile et son arrestation, il retrouve le commis Dussardier, soigné par la Vannaze. Entre-temps, le père Roch est monté à Paris avec sa fille Louise, impatiente de revoir Frédéric.